Ça sent le crime et la chatte. Vous allez piper Alka. Si je pose mes couilles, je vais briser la table. Je viens vous gifler la face. Alors, j'écoutais déjà du Wu-Tang pendant que tu matais le Disney Parade. J'ai l'aiguille écarlate. Si, si. Mais je suis du Verseau, à découvert comme Sarkozy. Écarla, nique la police, j'ai la rage. Voilà. Je suis mal poli et arabe, mais la jeunesse m'applaudit et m'acclame. Mets-toi ton son calme, c'est Al Capote et Los Monzas. Sucé quand je sors mon sac. L'atmosphère est sombre, des gens sont en nombre. Tu peux creuser ta tombe si le fusil à pompe gronde. Mauvais œil, mauvais ongle. Trop de gens veulent ta peau, veulent ton père sans raison. Ça résonne dans les sons, ça. Le crime et la chatte, le fric et la grâce. J'ai sniffé la cam, man. Tout le monde cherche le million. Dans ce milieu, le mal règne, cherche pas à être trop mignon. Ça sent le crime et la chatte, yeah. À chaque seconde, chaque minute, c'est le million ou la caf, yeah. Les cœurs n'ont plus d'attache dans une rue gang. Dans les viseurs que du cash, des flashs, de l'oseille, man. C'est le crime et la chatte, yeah. La rue on la connaît, c'est le même business. Pour mes blacks, pour mes raps, ça, pour mes gros, pour mes soldats, pour mes gros. Les insolvables, les mecs sauvables, renégats du 9-1-0. Ça sent le crime et la chatte, les coups de fric sur ta chair. Les coudes, tes côtes, cracoute boule dans ta mère. La coke, les macs, ça sent le bise dans les airs. Les kiss, les miss, ça sent le vice chez la mère. La cave, la caille, le monde sent le cadavre. Du cash, du sang, dans le cercueil de marbre. C'est cru comme si je mangeais direct chez le boucher. T'appuies sur le mauvais bouton. Une douille était touchée. Ça sent l'odeur du meurtre, du shit, du cash et du sexe. Du bif, du buzz et de la baisse dans la tête. De la tête, de la merde, de la hausse et la hesse. Ton fait ses glis, deux trois sons glas dans nos verres d'NS. Ça sent le crime et la chatte, les douilles, les gyrophares, les gros seins, les gros culs. Les faux culs sont pris pour cible et forcément descendus. Le Los Monzas est en place, la rafale sera entendue. Si si, applaudissez, agonisez, je viens vous atomiser.